Na pa oyo na paradis agitation, pe makelele nyonso esilaki ye. Asalaki yo maleme maleme, alaki lunette tete ya ba diamante. Sango ba certifie ta valeur ya diamant. Souci na ye ou du malheur parfait. Lelo sur terre moto nyonso aza convaincu. Perfection is a domain privé en zame. Élégance aux approuvés à perfection en zame. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bani la boutique en vaille na liamouma. Adalia qui simple comme ya évaille. Donc on a paradis où élégance aza la kiffé. Arata mon instant. Arata sucre ya mila isobe. Arata maracuja. Arata mayam polo ya may may. Arata muselu yu ya namorumo. Arata mungwe sanana na bololo. Ya dambu inga ya nete. Alega simple pong. Ma musta bani bani ya ya nete. Kwa mimi kudu wa kremet wa mitu watakana kusabi. Kwa ni ya mwana ya nete. Je suis compris entre le bouche et le bouton. Azoé la yoye, yoza la égérie ma bango. Basta la bénéfice, à concurrence et les Apple. La Google, ou l'élégance. Élégance, commissaire à ta bureau. Petit à confiance, ou la cime à caillou sac. Maman, c'est pour élégance, ce qui est à l'IA. Azona kama mke bana kana leko, na bana mna dota tini ya peu shukula, akata blama. Elegance elegane ya ndabu, wana mama solonjo lèvre rose officia. Na ya wana mte ma l'amour est toujours en cours, ton amour elegance dans mon cœur pour toujours. Ton amour élégance, moi jamais de dernier jour. Oh, ton amour élégance, je ferai toujours demi-tour. Yeah. Et puis, ok, ma élégance, c'est comme un abeille, un jardinier. La piscine, comme on a eu à chaque fleur et un jardin. Ma rose, ma pétunia, ma orchidée, ma jasmin. Hey, hey, hey, hey, hey. Yo tika kato sika je t'aime. Yo tika koli mali moi je t'aime ko. Yo tika kako nyiringa je t'aime. Yo tika koli lisanga je t'aime. Yo tika ko trompenga je t'aime. Yo tika ko feza moi je t'aime. Yo tika kato sika je t'aime. Yo tika ko trompe na je t'aime. Yo tika ka ko nyira na je t'aime.